Combien de temps faut-il souffrir avant de pouvoir tirer le grand rideau? Combien de larmes pour si peu de sourires avant de prétendre au vrai repos? Oui, on se promet parfois sourire et joie. En l'avenir, on se prend à espérer. À peine a-t-on fini de panser ses plaies, qu'à se meurtrir à nouveau, on se plaît. Croire à qui? En quoi? Qui peut donner toujours sans compter? Qui peut prétendre arriver à s'oublier? Pour que l'amour des hommes triomphe, chacun pille ce qu'il croit être sa part de bonheur. L'on gomme les autres avec notre propre égoïsme. J'ai rêvé, oui, c'était bien un rêve de l'homme sans calcul où l'autre serait soi. Dans un monde où la vie est si brève, j'oubliais les barrières, les sexes, les races, et moi, je pouvais naître en chacun de mes frères, et chacun pouvait naître en moi. J'avais oublié que je savais compter, que je comptais tout et que tout comptait.